sans toi, en qui je m'enracine, la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, sans une main tendue, quel homme pourrait vivre au jour du désespoir? Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi, je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi. Et le réconfort des âmes qui pleurent, l'unité des familles, le soupir des nations qui aspirent à la paix profonde. Jésus, mon seul espoir. Jésus, notre seul espoir. Quand l'ennemi m'entoure, Jésus. promesses, me remplissant d'allégresse. Jésus, oh, lève-toi, Seigneur. Entends les cris de